Le manteau déchiré, conte de Noël, par Maxime Ducamp de l'Académie française. Chapitre 1. Tout en haut du clocher, les cloches causaient entre elles. Les deux plus jeunes étaient de mauvaise humeur et disaient « N'est-il pas temps de dormir ? Il est bientôt minuit, et déjà deux fois on nous a secoués, on nous a forcés de parler au milieu des ténèbres, comme s'il faisait grand jour, et comme si nous sonnions la messe du dimanche. Des hommes s'agitent dans l'église. Allons-nous être encore tourmentés? Ne peut-on nous laisser en repos ?» La plus vieille fit entendre un grondement de colère, et d'une voix grave, quoique un peu fêlée, elle dit « Taisez-vous, petite fille, vous déraisonnez. Quand vous avez fait le voyage de Rome pour être bénite, vous avez juré d'accomplir votre devoir. Ne savez-vous pas que la première minute du jour de Noël ne va pas tarder à vibrer, et que vous devez célébrer la naissance de celui dont vous avez célébré la résurrection ?» Une jeune cloche reprit « Il fait si froid !» La vieille s'écria d'un ton sévère « Croyez-vous donc qu'il n'avait pas froid lorsqu'il vint au monde, nu, fragile et vagissant? N'aurait-il pas souffert sur les hauteurs de Bethléem si l'âne et le bœuf ne l'avaient réchauffé de leur haleine? Au lieu de grommeler et de vous plaindre, prenez vos voix les plus douces, en souvenir du cantique que sa mère chantait pour l'endormir. Préparez-vous, je vois que l'on allume les cierges. Près de l'autel de la Vierge, on a construit une crèche. La bannière a été tirée de l'étui. Le bedeau se démène. Il est enrhumé, il éternue. Fi, le vilain homme qui mouche la chandelle et son nez avec ses doigts. Monsieur le curé a revêtu son aube dorée. J'entends un bruit de sabots qui s'approche. Ce sont les paysans qui viennent prier. L'horloge déroule sa chaîne. L'heure va retentir. Noël, Noël, sonnez, sonnons, à toute volée, afin que nul ne puisse dire que nous ne l'avons pas appelé à la messe de minuit. Chapitre 2. Depuis trois jours, il neigeait. Le ciel était noir, la terre était blanche, le vent du nord se lamentait à travers les arbres, l'étang était gelé et les petits oiseaux avaient faim. Les femmes couvertes de leurs mantes en laine brune bordées d'un galon de velours noir, les hommes, enveloppés de leurs manteaux, avaient pénétré lentement dans l'église. Agenouillés, le front incliné, ils écoutaient le prêtre qui disait « Le Seigneur m'a dit, vous êtes mon fils, je vous ai engendré aujourd'hui. » Chacun répondait à voix basse, l'encens brûlait, quelques fleurs d'hellébore noires, qui sont les roses de Noël, avaient été déposées devant le tabernacle que les cierges éclairaient. À l'entrée de l'église, derrière le pilier où s'évase le bénitier, un enfant était prosterné, pieds nus, car il avait ôté ses sabots pour ne pas faire de bruit. Vêtu d'une blouse en cotonnade bleue, malgré la rigueur de la saison, le bonnet déposé devant lui, les mains jointes, il priait. « Pour l'âme de mon père qui n'est plus, pour la vie de ma mère qui est malade, et aussi pour moi, pour votre petit Jacques, qui vous aime tant, mon Dieu, je vous implore. » Il pleurait. Il semblait abîmé dans la ferveur de son oraison. Pendant la durée de la messe, il resta à genoux et ne se redressa qu'en entendant le prêtre dire « Ite missa est ». On se réunit sous le porche extérieur, chacun alluma sa lanterne, les femmes assuraient leurs mantes autour de leur taille, les hommes relevaient le collet de leur manteau. « Brrr, comme il fait froid !» Un garçonnet dit à Jacques « Viens-tu avec nous ?» Il répondit « Je n'ai pas le temps » et se mit à courir. De loin, il entendait les gens du village qui, rentrant au logis, chantaient le Noël favori de la vieille France. Il est né, le divin enfant, soufflé, pipeau, chanté, musette. Il est né, le divin enfant, célébrons son avènement. Chapitre 3. Jacques arriva à sa chaumière, bloqué dans un creux de rocher, au pied de la colline, à l'extrémité du hameau. Il ouvrit doucement la porte et marchait à tâtons dans la chambre où il n'y avait ni feu ni lumière. « Est-ce toi, petiot ?»« Oui, mère. J'ai prié pendant que tu priais, puisque je n'ai pu aller à l'église. Tu dois avoir sommeil. Couche-toi, mon enfant. Ne t'inquiète pas de moi. Je n'ai besoin de rien. Si j'ai soif, le pichet est plein d'eau et à ma portée. » Dans un coin de la chambre, auprès du lit de Marguerite, Jacques remua un amas de fougères et d'herbes desséchées. Il s'y étendit, attira sur lui un lambeau de couverture, posa sa tête sur son bras replié et s'endormit.

les bras en croix, la poitrine brisée. La roue avait déchiré la roulière qui était teinte de sang. Tous les habitants du village accompagnèrent le corps à l'église et au cimetière. Tous vinrent serrer la main à Marguerite, qui était blanche comme une statue de cire et dont les lèvres seules remuaient car elle priait, mais elle ne pouvait que dire « Mon Dieu, ayez pitié de moi, mon Dieu, ayez pitié de moi !» Jacques venait d'atteindre sa 10e année. Il ne comprit pas, il ne put comprendre l'énormité du malheur qui le frappait. Mais il pleurait quand il voyait pleurer sa mère, aussi pleurait-il souvent. Depuis le jour où Grand-Pierre avait été brusquement emporté par la mort, le malheur était sur cette chaumière qui avait été si heureuse. C'était plus que la pauvreté, c'était la misère. C'est pourquoi Marguerite sanglotait tout bas pendant la nuit de Noël. Chapitre 4. Au petit jour, Jacques se leva. Il s'ébroua, secoua les brindilles d'herbe sèche restées dans ses cheveux et regarda sa mère. Elle était couchée, les pommettes rouges, les yeux demi-clos, les lèvres pâles. En voyant son fils, elle lui fit un petit signe de tête. « Avez-vous bien dormi, mère ?»« Oui, cher Petiot, très bien. Décidément, je me sens mieux. Mais j'ai un peu froid. Fais du feu dans l'âtre. » Jacques inspecta les coins de la chambre, ouvrit une armoire, se glissa dans un petit cellier où jadis on serrait les provisions. Puis il dit « Il n'y a plus de bois, ni fagot, ni souche. » Marguerite leva les yeux au ciel. « Comment faire ?» Et, s'efforçant de sourire, elle ajouta « Il me semble que j'ai moins froid que je ne croyais. » Jacques s'était assis sur un gros pavé qui lui servait d'escabelle. À l'aide d'une pierre manœuvrée comme un marteau, il remettait un clou à la bride de son sabot. Il se chaussa, enfonça son bonnet sur ses oreilles et dit à sa mère « Je vais à la montagne chercher du bois mort. »« Mais c'est le jour de Noël. Monsieur le curé me le pardonnera. Petiot s'est défendu, tu le sais. Ce n'est pas aujourd'hui samedi qui est le jour de la récolte des branches cassées. » « Cela ne fait rien, mère. Le garde-champêtre ne me verra pas. Tout de suite, je reviendrai. En attendant, relevez la couverture sur vos épaules, afin d'avoir plus chaud. » Marguerite hésitait encore, puis elle dit « Va donc, mon enfant, Dieu te bénira, parce que tu aimes ta mère. » Le petit Jacques mit sa serpe dans sa poche, jeta sur son épaule une corde pour lier le fagot qu'il allait recueillir et ouvrit la porte. Une rafale de vent chargée de neige le repoussa et tourbillonna dans la chambre. « Quel temps !» dit Jacques. « Seigneur du ciel !» s'écria Marguerite. « C'est le déluge blanc. Écoute, Petiot, tu n'es pas vêtu. Non, hélas, tu n'es pas vêtu pour affronter la tourmente glacée. Ouvre le coffre où j'ai serré les hardes de mon pauvre homme en attendant que tu sois assez grand pour t'en servir. Donne-moi son manteau, le manteau dans lequel on l'a reporté le jour du malheur. Tu vas t'en envelopper, et alors la froidure ne te fera pas mal. C'est assez d'un malade à la maison. » Jacques prit le manteau qui était plié dans le coffre et sur lequel reposait une branche de buis béni. C'était une de ces larges mantes en laine épaisse, mêlées de poils de chèvre, rayées de blanc et de noir, avec un petit collet de velours et une agrafe en cuivre. Selon les contrées, on les appelle roulières ou limousines. Dans le pays du petit Jacques, on disait une roulière. Une déchirure l'avait ouverte, et sur l'étoffe, on voyait des taches de couleur sombre. Jacques s'entoura de la roulière, elle était trop longue et traînait derrière lui. Marguerite releva les bords inférieurs, les replia, et voulut les fixer au corps même du manteau. Elle chercha des épingles, la masure était si pauvre qu'il n'y en avait pas. Jacques, qui était industrieux, ramassa près de l'âtre quelques épines de prunier sauvage, restes d'un fagot brûlé. Les pans de la roulière furent attachés sous le collet et Jacques s'en revêtit. Au moment où il allait partir, et comme déjà il tenait le loquet de la porte, Marguerite le rappela. « Si tu passes aux trèves, n'oublie pas de faire ta prière. » Chapitre 5. Jacques marchait sur la route. Nul être humain n'apparaissait dans la campagne. Tout était morne et désolé. La neige tombait et semblait glisser horizontalement, tant le vent du nord la chassait avec violence. Sur la plus haute branche d'un peuplier, couvert de givre, un corbeau croassait. Parfois le petit Jacques s'arrêtait pour enlever, d'un coup sec du talon, la neige qui s'accumulait et se durcissait sous ses sabots.

Jacques a ramassé tout le bois mort qu'il pourra porter. Il ajoute encore 2 ou 3 branchettes pour faire bonne mesure. À l'aide de sa corde, il lie son fagot avec précaution, afin que nul brindille ne s'échappe pendant la route. Il met sa roulière sur ses épaules, charge la falourde sur son dos, et appuyé sur un bâton qu'il a coupé, il s'engage dans le chemin le plus court qui conduit au village. Ses jambes tremblent un peu car le fardeau est pesant et la neige est profonde. Souvent, il fait halte et s'accote contre un arbre pour se reposer. Chapitre 7. Cheminant à petits pas mais sans défaillance, il arriva au carrefour. C'est le Trève. Autrefois, dans le temps des Romains, cet endroit était appelé Trivium, parce que 3 chemins s'y rencontraient. Le mot latin s'est francisé et est devenu le Trève. Jadis, il y eut là un autel dédié à Mercure, qui était le protecteur des routes, le dieu des marchands et le patron des voleurs. Le christianisme jeta bas l'autel païen et le remplaça par un grand crucifix de granit. Sur le soubassement, rongé par les lichens, on peut encore déchiffrer une date, Anne Dom 1314. Au jour de la guerre de 100 ans, la statue du Christ fut brisée et les morceaux enjonchèrent le sol. Lorsque l'élément étranger qui souillait notre pays eut été rejeté au-delà des frontières, lorsque Johanne, la bonne Lorraine, eut rendu le royaume de France au petit roi de Bourges, on releva la statue, et depuis cette époque, elle est en vénération dans la contrée. Il n'est paysan qui ne la salue, et même le vétérinaire, qui prend plaisir à se moquer des curés, n'ose passer devant sans porter la main à son chapeau. En haut du piédestal, les mains clouées à la croix, la tête ceinte d'épines et le côté ouvert par le coup de lance, le Christ étend les bras et semble convier le monde à s'y réfugier. Il paraît énorme. Dans les plis de la ceinture nouée autour de ses flancs, des roitelets ont fait leur nid, que l'on n'a jamais dérangé. La face est tournée vers l'Orient, les yeux agrandis par la souffrance regardent le ciel, comme s'ils y cherchaient l'étoile qui guida les mages et apparut au berger, au-dessus de l'étable de Bethléem. À côté, l'on a planté des sorbiers, dont les graines rouges rappellent les gouttes de sang qui tombèrent du front divin. Marguerite avait une dévotion particulière pour le Christ du Trève, parce que les hommes qui rapportèrent le cadavre de Grandpierre, fatigués et attristés, s'étaient arrêtés à cette place et avaient prié pour le repos de l'âme de celui que la mort venait de terrasser. C'est pourquoi elle avait dit à son fils, « Si tu passes au Trève, tu feras ta prière. » Chapitre 8. Jacques n'avait point oublié la recommandation maternelle. Il déposa son fagot, ôta son bonnet, s'agenouilla et se mit à prier, pendant que le vent l'accompagnait d'une voix lugubre. Il récitait les prières qu'il avait apprises au catéchisme et d'autres paroles qui étaient ferventes et qui lui venaient naturellement au cœur. Tout en disant ses oraisons, il regardait le visage du Christ fouetté par la neige. La bouche entr'ouverte, les yeux levés, lui donnaient une apparence de douleur infinie. 2 petits glaçons, pareils à des larmes congelées, restaient suspendus aux paupières. Le corps décharné s'étirait sur la croix dans un dernier spasme d'agonie. Le petit Jacques souffrit de cette souffrance dont il contemplait l'image. Il eût voulu consoler celui qui l'invoquait. Lorsqu'il eut terminé sa prière, il rechargea le fagot sur ses épaules et s'éloigna. Au moment de sortir du carrefour, il se retourna et contempla le Christ, dont les yeux semblaient le suivre. Le visage était moins sombre. Une expression de douceur avait détendu les traits. Un coup de vent passa qui agita la neige accumulée sur les bras. On eût dit que la statue frissonnait. Jacques s'arrêta. « Oh, mon pauvre bon Dieu, dit-il, comme tu as froid !» Il revint auprès du crucifix, là même sans le savoir où le corps de son père avait été déposé. Il se dépouilla de sa roulière, grimpant sur le piédestal, cédant de la saillie formée par la ceinture, il put atteindre les épaules du Christ et les enveloppa de son manteau. Il en détacha les épines de prunier, fit retomber les pans que Marguerite avait relevés, les déplia de façon que la statue en fût couverte presque tout entière. Il descendit, se recula pour mieux voir, et fut content. « Au moins, dit-il, tu n'auras plus si froid. » Les glaçons suspendus aux paupières fondaient doucement,

On entendit un bruissement d'ailes et un sourire de joie illumina la face du Christ. Jacques priait, mais sa prière ne ressemblait à aucune de celles qu'il disait jadis. C'était un chant d'extase qui s'élevait spontanément de lui avec des paroles si belles qu'il n'en avait jamais entendues de semblables. La grâce et l'harmonie jaillissaient de ses lèvres, il ressentait un bonheur ineffable à s'écouter prier. Du fond de l'horizon, plus clair que le cristal, on aperçut Marguerite qui s'avançait au milieu d'un tourbillon d'ailes blanches. Elle n'était plus ni pâle, ni maigrie, ni désolée. Elle était rayonnante et brillait de cette lumière intérieure qui est la beauté des âmes et qui seule est impérissable. Devant le Christ, les anges la déposèrent. À genoux, le front sur les mains, elle adora celui en qui elle avait cru, celui dont elle n'avait jamais désespéré et qui la récompensait de sa foi et de son espérance. Lorsqu'elle redressa la tête, elle vit deux ombres, deux âmes agenouillées à ses côtés. L'une était le petit Jacques, l'autre était Grand-Pierre. Tous les trois se confondirent dans le même baiser et dans le même élan de gratitude. Des larmes coulaient des yeux du Christ parce qu'il était heureux. Chapitre 10. Tout en haut du clocher, les cloches causent entre elles. Les deux plus jeunes sont d'humeur maussade et disent « Les gens de ce village sont fous, ils ne peuvent demeurer en repos. Croient-ils que nous ne sommes point fatigués de la journée d'hier ? La messe de minuit, les matines, et la messe de l'aurore, et la troisième messe, et la grand-messe, et les vêpres, et l'angélus, et les carillons supplémentaires, cela n'en finissait pas. Et voilà qu'aujourd'hui il faut recommencer. On nous tire, on nous remue, on nous agite. D'abord le glas des trépassés, puis le service funèbre, puis l'enterrement. C'est trop. Ne nous laissera-t-on jamais tranquillement suspendus à nos charpentes ? Nos battants n'en peuvent plus, et nos flancs sont meurtris par tant de coups répétés. Qu'ont-ils donc ces paysans à se presser vers l'église, dans leurs habits du dimanche ? Le père Monhache a pris sa mine la plus refrognée, sa moustache est farouche. Il passe le dos de sa main sur ses yeux. Il a posé son tricorne en bataille. Les enfants n'ont qu'à bien se tenir. Sans cela, il y aura des fessées dans les familles. Là-bas, on voit deux cercueils, un grand et un petit. On va les charger sur le chariot attelé de bœufs. Qu'est-ce que cela peut nous faire ? Et pourquoi sommes-nous forcés de tinter si fort en l'honneur de ces gens-là ? La vieille cloche, sage, et pleine d'expérience les gourmanda. Taisez-vous, ignorante, vous n'avez même pas la dignité de vos fonctions. Vous êtes des cloches bénites, vous êtes des cloches d'église. Votre voix se répand sur les campagnes et s'élance vers le ciel. Aux hommes, vous dites, veillez sur votre âme immortelle. À Dieu, vous dites, ô Père, ayez pitié de la faiblesse humaine. Au lieu d'être fière de votre mission, d'être recueillie et prudente, vous bavardez comme des sonnettes et vous raisonnez comme des grelots. Ne tirez point vanité de votre teint brillant et de votre voix limpide. J'ai été comme vous au temps de ma jeunesse, et plus tard vous serez comme moi. L'âge brunira votre teint, et les fatigues du devoir vous feront la voix rauque. Lorsque pendant des années et encore des années, vous aurez sonné pour les fêtes de l'église, pour les mariages, pour les baptêmes, pour les funérailles, lorsque vous aurez été le tocsin des incendies, lorsque vous aurez poussé la clameur d'alarme en voyant apparaître l'ennemi, vous ne vous plaindrez plus de votre destinée. Vous comprendrez les choses de la terre, vous devinerez les secrets du ciel, vous apprendrez que les pleurs d'ici-bas sont souvent les sourires d'en haut. Sonnez doucement, doucement, sans tristesse et sans crainte, que le bruit de vos voix ressemble au roucoulement des colombes, qu'à travers vos lamentations, on devine un chant d'espérance. Car une roulière déchirée peut devenir le manteau de l'immortalité bienheureuse. Fin de Le manteau déchiré de Maxime Ducamp, enregistré par Christiane Johanne.